الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، إن دين الإسلام دين الله رب العالمين وخالق الناس أجمعين، فهو دين العدل والوفاء، دين العز والإكرام. قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المؤمنون عباد الله، هذا الدين صالح لكل زمان ومكان. هذا الدين دين الكمال والشمول، جاء بكل ما يحتاج إليه العباد والبلاد. ومن أعظم ما يبين لنا ذلك أن هذا الدين الإسلامي جاء بحفظ حقوق الناس أجمعين، مع اختلاف أجناسهم وألوانهم وطبقاتهم. الحق الأول حق الله سبحانه وتعالى، خلقنا ربنا لنحفظ حقه الأعظم توحيده. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق الله، أن نطيعه ونعبده وحده لا شريك له. الحق الثاني حق رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأعظم الحقوق وأعظم حقوق المخلوقين، يجب الإيمان به بأنه مرسل من عند الله، يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وتقديم محبته على من سواه من المخلوقين. قال الله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا رسولنا، هذا خيرنا عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. فبعث إلى الناس أجمعين ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فيجب احترامه في حياته وبعد مماته، يجب احترامه وتعظيمه التعظيم الشرعي بدون غلو ولا إطراء وبدون تقصير، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحق الثالث حق الوالدين. الإسلام يأمر بالإحسان إلى الوالدين، ولا أحد ينكر فضلهما على أولادهما، فهما السبب في وجود الأولاد، فحقهما كبير علينا. قال الله: حملته أمه وهنا على وهن، فالأم تتعب فيك يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة، وبعد ذلك الوضع والرضاع وما بعد ذلك. أما الوالد يسعى لعيشتك وقوتك من حين صغرك حتى تبلغ أن تقوم بنفسك. قال الله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فيجب خدمتهما والتواضع لهما والإحسان إليهما وحسن صحبتهما والدعاء لهما حيا وميتا. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا. ولما سأل عبد الله ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله. الحق الرابع حق الأولاد. يجب حفظ حقوق الأولاد بتربيتهم على إعطاء كل ذي حق حقه، على إخلاص الدين لله وحسن المعاملات وحسن الأخلاق والوفاء والصدق واحترام الناس وحسن المنطق. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، رواه البخاري ومسلم. فالأولاد أمانة على عنق آبائهم، فيجب تربيتهم والإحسان إليهم وبذل المعروف لهم، ولا يجوز ظلم الأولاد أو تركهم، كما لا يجوز أن نظلم به أو أن نظلمه بعدم تسوية بينهم في العطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الحق الخامس حق الجيران. حق الجيران بأن تحسن إليهم وتكف عنهم آذاك أو أذيتك، وحقهم كبير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه البخاري ومسلم. وقال: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خيرهم لجاره. أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وصححه العلامة الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا من أذية الجيران: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. الحق السادس حق المسلم على المسلم. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، فإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فحق المسلم، ومن حق المسلم على المسلم، كف الأذى، فإن في أذية المسلمين إثما عظيما. قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب العزيز: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم الحديث. فيجب علينا أن نعطي لكل ذي حق حقه، وإن من شمولية هذا الدين وكماله أن حفظ لغير المسلم حقه وأمر بأداء حقوق غير المسلمين. فلا يجوز ظلم غير المسلم بسبب كفره، لا يجوز الظلم إطلاقا في ديننا، ولا الغدر ولا الخيانة، فإن هذه الأخلاق ليست إسلامية، والإسلام يتبرأ منها. فيجب الوفاء بالعهود معه، ويجب أن نبين لهم ما هو الإسلام الحق الذي جاء به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فنرشدهم إلى قراءة سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. فأحسن ما نقدم له الإسلام وبيان محاسن الإسلام، فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا فقد أدينا ما يجب علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كذا قال لعلي بن أبي طالب في غزوة خيبر. ومن حقوقهم ألا تظلمهم في أنفسهم وأموالهم، لا بالخيانة ولا بالغدر ولا بالقتل، فإن الإسلام يتبرأ من كل ذلك. وإن من كمال هذا الدين أن حفظ للحيوانات حقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على الأمر كله، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. كذا قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، سيرت الإسلام إلى أوريجون الله تبارك وتعالى. La seule religion qu'il a agréée pour ses serviteurs, celle qu'il a choisie afin qu'il l'adore. Il nous dit dans son livre, selon la traduction: certes, la religion chez Allah est l'islam. C'est donc une religion complète, une religion parfaite, qui peut être appliquée dans tout endroit et à toute époque. C'est une religion parfaite et complète, une religion de droiture, une religion qui appelle au bien et qui avertit contre le mal, une religion exemptée de toute imperfection. La religion avec laquelle nous est venu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et messagers. Et parmi les choses qui nous montrent la perfection de cette religion, sa droiture, sa miséricorde et sa bonté envers l'ensemble des mondes, le fait que cette religion nous appelle et nous oblige à préserver l'ensemble des droits. Cette religion nous appelle, nous invite et nous oblige à préserver l'ensemble des droits, à nous acquitter des droits d'autrui, quelle que soit la personne. Le premier droit est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le droit le plus important et le plus obligatoire, car c'est notre créateur, notre maître tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a tout donné, nous a comblé de ses bienfaits. Son droit sur nous est de l'adorer sans jamais rien lui associer, de lui obéir autant que possible, de s'éloigner de sa désobéissance. Allah nous dit dans son livre, selon la traduction, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Dans un autre verset, il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah, d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône. Voici la religion de la droiture. On nous dit également, toujours selon la traduction, adorer et adorer Allah et ne lui associer rien. Voici le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le droit d'Allah sur ses créatures est qu'il l'adore sans jamais rien lui associer. Le deuxième droit est le droit de notre messager, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, que ce soit dans sa lignée, que ce soit dans son comportement et ses caractères, sallallahu alayhi wa sallam. Son droit est le plus important parmi le droit des créatures. Nous devons avoir foi en lui, reconnaître sa prophétie, reconnaître que c'est le serviteur d'Allah, on ne l'adore pas, on n'exagère pas à son propos, mais c'est le messager d'Allah, on ne le dément pas, on le suit et on lui obéit, on le respecte et on l'aime, on fait devancer sa tradition sur la tradition de toute autre personne, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons l'obligation de préserver son honneur, de ne le citer qu'en bien et de le défendre contre toute accusation mensongère. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il nous l'a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit en Coran, selon la traduction, « Et tu n'as été envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Ô vous les gens, je suis le messager d'Allah envoyé à l'ensemble des gens. Je suis le messager d'Allah envoyé à l'ensemble. Aussi, nous avons l'obligation de l'aimer, de le respecter. Et cet amour que tu lui portes doit être plus important que l'amour que tu as pour tes propres enfants, que l'amour que tu as pour ta famille et ta propre personne. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, aucun d'entre nous n'aura parfait la foi, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens. Ceci car il est celui qui nous a montré la lumière après les ténèbres, l'a guidé après l'égarement. Le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala est la connaissance du meilleur bienfait que puisse connaître une créature, le bienfait de l'islam, le bienfait du Coran, alayhi salatu wa salam. Et ces droits doivent être préservés de son vivant, de son vécu et après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Le droit suivant, le troisième droit, est le droit des parents. Ceux qui sont la cause de notre venue au monde, ils doivent être respectés, aimés. Nous devons nous mettre à leur service, ne leur parler qu'avec les meilleures de nos paroles, les respecter, les aider autant que possible. Car certes, cette chère mère, comme Allah nous décrit dans le Coran, t'a porté peine sur peine, et ton sevrage a lieu en 2 années. Allah, dans un autre verset, nous ordonne la bienfaisance envers nos parents et nous ordonne également d'être reconnaissants envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au messager d'Allah. Quelle est l'action la plus aimée chez Allah? Il a répondu, la prière. Et lorsqu'on lui a dit ensuite, il a répondu, la bienfaisance envers les parents. Tout cela pour nous enseigner ce grand droit qu'ont nos parents sur nous-mêmes, leurs enfants. Le quatrième droit, le droit des enfants. C'est une responsabilité pour les parents. Ils ont de nombreux droits sur vous. Vous devez les éduquer, les orienter, leur montrer, leur démontrer le bien du mal. C'est une grande responsabilité qu'Allah vous a donnée. Il nous dit dans le Coran, selon la traduction, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes ainsi que vos familles du feu. » C'est-à-dire enseignez le bien à vos familles, éduquez-les et orientez-les. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Vous êtes tous responsables et chacun sera questionné sur sa responsabilité. » Et l'homme est responsable des membres de sa famille et sera interrogé sur cela. Tu seras donc interrogé le jour du jugement dernier sur l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Sur l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'être injuste envers nos enfants. Il nous a obligés à dépenser pour eux et nous a interdit d'être injuste envers eux. Au point où un jour un compagnon a donné quelque chose à l'un de ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Est-ce que tu as donné la même chose aux autres ?» Il a répondu « Non ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé pour cela. Il nous ordonne d'être justes, même dans ce que nous donnons à nos enfants. Tout cela nous montre les grands droits qu'ont nos enfants dans l'islam. Le cinquième droit, le droit des voisins. Le droit des voisins est immense dans l'islam, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Jibril n'a cessé de me faire des recommandations envers le voisin au point où j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à la bienfaisance envers nos voisins, qu'ils soient musulmans ou non. Il nous dit « Le meilleur des voisins chez Allah est celui qui est le meilleur avec son voisin. » Plus tu es bienfaisant envers tes voisins, plus ta place auprès d'Allah est élevée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre la nuisance portée aux voisins et au voisinage en nous disant « Par Allah n'est pas croyant, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances. » Et dans une autre version du hadith, « N'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances, de son mal. » Tout cela nous montre l'importance des droits dans l'islam. Le sixième droit, le droit du musulman sur le musulman. Le droit des musulmans les uns envers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le droit du musulman sur le musulman, ou les droits des musulmans sur les musulmans sont nombre de six. Lorsqu'il le rencontre, il le salue. Il lui dit, assalamu alaykum. Et lorsqu'il l'invite, il répond à son invitation. Lorsqu'il lui demande conseil, il le conseille sincèrement. Lorsqu'il éternue, puis dit, alhamdulillah, dis-lui « Arhamukallah ». Lorsqu'il est malade, visite-le. Et lorsqu'il décède, suis son cortège funéraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente aussi et nous dit « Par Allah, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il a aimé pour lui-même. » Donc le bien que tu as, tu dois l'aimer pour les autres. Tu dois l'aimer pour tes frères. Et parmi les pires péchés, le fait de nuire aux gens. Allah Azza wa Jal nous dit, ceux qui nuisent aux croyants et aux croyantes, sans aucun droit, ont certes commis un péché très grave. Un péché très grave et évident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit toutes les causes qui amèneraient l'inimitié entre nous, en nous disant, ne vous détestez pas, ne vous donnez pas le dos, mais soyez tous des frères aux serviteurs d'Allah. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne le trompe pas jusqu'à la fin du hadith. Et parmi les choses qui nous montrent la pureté de cette religion, la droiture de cette religion, la perfection de cette religion, et qu'elle traite toutes les parties composantes de la société et des relations humaines, le fait que l'islam nous ordonne de préserver les droits même de ceux qui ne sont pas musulmans. Et dans ce lien, il y a la meilleure réfutation à ceux qui s'adonne aux mauvaises paroles contre l'islam, à la calomnie et à toutes sortes d'amalgames, même s'ils ne le sont plus, car les preuves évidentes ont été dispensées et démontrées, walillahi hamd. Parmi les droits des non-musulmans, le fait de ne pas leur nuire, de ne pas les opprimer. Et certaines personnes parmi les ignorants qui ont été éduqués chez les gens de l'innovation ou n'ont pas reçu d'éducation disent ou se permettent d'opprimer les gens, puis prétextent le fait qu'ils ne soient pas musulmans. Sache que tu portes, toi, cette responsabilité, mais elle ne peut être imputée à l'islam, car l'islam interdit cela formellement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le hadith Qudusi: Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu baynakum muharrama fala tadhalamu. Ô vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendu entre vous interdite. Alors ne vous opprimez pas les uns les autres. L'islam interdit l'injustice même envers la personne qui n'est pas musulmane. Tu n'as pas le droit de verser son sang, tu n'as pas le droit de voler son argent, tu n'as pas le droit de l'opprimer, ni même de mentir à son sujet, quand bien même lui mentirait à ton sujet. Aussi, parmi les meilleures choses que tu puisses faire pour eux, le fait de leur exposer l'islam, de les inviter à l'islam et de leur expliquer qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'islam. Et alhamdulillah, nombreux sont ceux qui ont embrassé la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala de plein gré. Tu n'as pas le droit, lorsque tu contractes un contrat, de le rompre. Tu n'as pas le droit de trahir, tu n'as pas le droit de tricher. Et toutes ces choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdites sont proscrites dans l'islam. Il ne faut donc pas accuser l'islam de ce dont elle est innocente, walillah ilhamdi wal minna. Et parmi les plus grandes injustices, le fait de dénigrer le prophète de l'islam, le fait de ne pas respecter le prophète de l'islam, et d'essayer de faire passer cela sous l'appellation de la liberté d'expression. N'entre pas dans la liberté d'expression, ce qui cause le trouble dans la société. N'entre pas dans la liberté d'expression, ce qui vise à blesser les communautés et à attiser la haine entre elles. Car sans aucun doute, le fait de faire des caricatures, même s'il ne s'agit pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité, n'a fait qu'entrer dans le cœur de beaucoup la haine et l'éloignement. Donc ces gens doivent faire preuve de bon sens. Les gens doivent faire preuve de bon sens et s'éloigner de toutes les causes qui peuvent attiser la haine entre les peuples et faire passer à l'acte des personnes injustes ou faibles d'esprit, comme nous l'avons vu la semaine passée. Aussi, sachez que l'islam se désavoue de tout attentat, se désavoue du meurtre, de la traîtrise et de toutes ces mauvaises choses. L'islam est innocent de tout cela, nous le disons et nous le répétons, n'en déplaise aux injustes. Il y a le père d'un de nos chers frères qui va être hospitalisé et d'autres personnes qui sont malades. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ayyamunna alayhim bi shifa. Allahumma shfihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز يا قوي يا رب العالمين من استهزى بنبيك فعامله بعدلك اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا من على كل شيء قدير فاطر السماوات والأراضين ربنا ورب كل شيء ورب العرش العظيم عاملهم بعدلك اللهم عاملهم بعدلك اللهم عاملهم بعدلك اللهم عاملهم بعدلك يا